de Silo Hint à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hint à Brezhoneck. Hint à Brezhoneck, Kentel Pemkan, Onon à Ganterkan, 551. Bonjour oui. Henri. Bonjour Morgane. Madame Trau. Ja, Madame Trau. On commence par Gerio Arvue, Eric. Oui, comme d'habitude. Quel mot on va voir aujourd'hui? La dernière fois, on avait vu Trink. Ouais. Alors, je me suis dit que ce serait pas mal de voir Huer, puisqu'on est dans les goûts un peu, et puis on est dans l'époque du cidre. Hein. Alors, Huer, donc, c'est un adjectif, hein, donc, qui veut dire amer. Enfin, on le traduit en français par amer. C'est pas tout à fait ça, mais c'est traduit par amer, voilà. Alors, Huer, donc. Alors, selon les endroits, d'ailleurs, on prononce Huer ou Huero, hein. Le V final se prononce souvent O aussi, hein, dans beaucoup de mots, hein, comme der, dero, par exemple, pour le chêne. Hein, bon. Voilà. Alors, c'est un mot qu'on trouve, qui est d'origine celtique, qu'on trouve aussi en gallois, en cornique et même en gaélique, sous une forme un peu différente. Alors, il évoque l'amertume au sens propre, hein, l'amertume, le goût, hein, et au sens figuré, bien sûr, aussi. Comme trinque aussi, c'est un peu la même chose. Alors, par exemple, on va dire blas huer ou blas huer, hein, le goût amer ou le goût de l'amer. Aval huer, des pommes amères. Ah, c'est pas bon. Hein? Ah, ben, c'est des pommes qui donnent le corps au cidre, hein, voilà. Qui donnent le tanin, quoi. Par exemple, dans la région de Fouesnant, il y a huer aux brises et huer aux rues. Hein, des petites pommes striées, là, dans la peau est striée, là, et qui donne le tanin, justement, qui caractérise le cidre de Fouesnant. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime bien, justement, quand il y a un peu de tanin, ça donne du corps et un goût qui persiste dans la bouche après le premier goût, si on peut dire. Voilà. Ah, voilà. Alors, dans les pommes, il y a aussi des pommes qu'on appelle aval ou douce ware, qui sont entre des pommes douces et des pommes amères, qu'on appelle les douces amères en français, quoi. Alors, au sens figuré, on va trouver, par exemple, comjou huer, hein, des propos amers, or vu et huer, hein, une vie amère, hein, c'est-à-dire avec beaucoup de contrariété, hein. Un dérivé huervat aussi, donc, qui est devenir amer ou rendre amer, hein. Voilà. Alors, des substantifs qui sont construits à partir d'amer, à partir de huer, hein, huerdud, l'amertume, et on peut dire huerdur aussi. Alors, le premier mot est féminin, et le deuxième est masculin. Mais désigne donc l'amertume. Mais ces substantifs-là sont pas souvent utilisés parce que souvent en breton, on tourne les choses autrement, quoi. Pour arriver au mot huer, pour simplifier, quoi. Huer put, c'est très amer, hein. Huer vantes aussi, oui, j'avais noté encore huer vantes, qui était l'amertume aussi, hein, une autre façon de le dire. En fait, à partir d'un adjectif, on peut construire pas mal de substantifs. Huer vison, c'est le pissenlit, hein, qu'on appelle dent de lion aussi, hein, qui est une salade amère, hein, en quelque sorte. Oui. Voilà. C'est surtout la racine qui est amère. Oui. Mais la feuille est assez amère aussi, quoi. Ici, on donnait pas ça pour les gens, on donnait ça pour les lapins. Mais c'est bon pourtant. C'est bon pourtant, oui, mais il faut les blanchir avant. Alors c'est tout un art, oui. Damwer, ça veut dire à moitié, presque amer. Ici, on dirait plutôt hunterwer, hein, à moitié amer, quoi. Il y a aussi werwond, hein, qui est l'amertume aussi, hein. Pissoir, les lupins, des pois amers. J'en ai jamais goûté, mais comzou trehuer à huik, des propos entre la douceur et l'amertume. Et il y a aussi une expression ober trehuik à huer, faire entre la douceur et l'amertume, c'est-à-dire bon gré mal gré, quoi. Voilà. Alors pour terminer sur ce mot huer. Il y a des noms de famille, hein. Le werf, par exemple, qui serait, le werf, qui est la mère, en fait, hein. Le Wérou aussi serait dérivé de ça, c'est pas tout à fait certain. Et de Wérou serait dérivé le nom de famille réunionnais Waro. Ah, c'est joli ça. Ouais. Super. Voilà. Gagnement de trop War. Alors, c'est l'époque de ramasser les pommes, hein, donc il faut bien trier ses pommes amères, ses pommes douces et les pommes aigres. C'est du propre ou du figuré, ça, Henri, comme science? Ah, c'est ce qu'on veut bien comprendre. On en reste là. On passe à la seconde partie. Alors on part à faire un petit tour à Zantolec et là, y a de l'animation parce que Yuan est en train de préparer pour le cidre. Voilà, Yuan est en train de faire le cidre, hein, comme d'habitude, hein, donc on va le voir chaque année. Donc Yuan, c'est Yuan Danteg, hein, qui habite à Kerizel, hein, et qui est marchand de cidre de son état, hein, qui est marchand artisanal, quoi. Ouais. Et Chandik va à sa rencontre. Voilà. Salut Yuan, pénonce mon compte. Matré, Chandik, matré. Kroger de Borchistre. Ya, Bouedir. Pemzeuk Tesso, ou un croque de Zéria, là où Gouelleré de Bernard, là oisé Là, à Bourzo. Avalo de Zantolek, in tout Ya, de Zantolek, peu de Spouderien. Quand piou vezeret en la valao Oh, quand ne famille n'est qu'à résies, peut dire, un mécanique zère en d'arme vue en de Zena, là où Quand pèsa avalo vegré l'archiste Quand a l'eau douce, a l'eau rire, a galo trinc, redéca d'or hempuis, et vidéo bergismat. Mais. Plaire-moi, après sourd. Ah, bah ça va, Durazé. De te faire, Chandik. Et Chandik, bien sûr, elle va aller voir, parce qu'elle va, elle est curieuse. On aura ça la prochaine fois. Voilà. On va reprendre donc le dialogue, phrase à phrase, pour que tout le monde puisse bien le comprendre. Salut, Yuan, penosement compte. Demande oui. Chandik. Bonjour, Yuan, comment ça va? Matré, Chandik, matré. Matré, il est content. Krogor de Berchiste. Voilà, alors Krogor, hein, d'aubergiste, vous avez commencé à faire du cidre. Alors en breton, hein, c'est Kregin, hein, Krogingan, hein, c'est accroché dedans. Hein. Donc voilà, vous avez commencé à faire du cidre. Krogor d'aubergiste. Il y a un Chandik, Bouedder. Oui, Chandik, depuis hier. Hein. Pemzeuk Tesso, on croque de Zérin en Navarro. Voilà, alors on retrouve la même forme, hein, Pemzeuk Tesso. Hein, depuis 15 jours, Wemkrog, nous avions commencé

Eri, Petra zo neve ar vro. Ben, kal ze draou zo neve ar vro ou ar vej di ouzan. Krog om de diantan evel kiz a kustum gant ur labour douar hag ur vue war ar mez. Eru on bremañ ba miz he ere. Tregont glaso, ma pe jonjman, me hui wa yo ang de houl se. Tregont glaso, oa bet ur gor vanten. Ze oa niket o gor vanten vel so bet ba, ba nenez ou nanti ez neve so, met ur gor, gor vanten mad oa me mestra. Puis yo oa bet o non oaz arvel vol hein, de bemzeget de viz heire. An oa par de donz, hag an de oa l'air oa distruje kal ze draou. Puis oa zard an dun oa an kave de kal ze draou distrujet. A jonjman meus un dis, puis yo oa me gred o, o, o nem vo de... Le, war e sport chou gant tout de skolioù labour douar ba man departement a denonce ou am tout de tib y semblez ba skol labour douar kernelien a pe wavet hier ou a tout n'entro hond grand en avel ou spontus hein. Hag un de waler ou a be distru je kal ze drou a blas ou a be distru je trou ouais, hag blas ou el ouan kubit zi ou a fentus war hag ouel pe samou hag arvel dom oa un arvel oa tom en ons zi oa dra iskiz on tom. Bon, a kalze d'un de jonj de ze de ze ndé sa. Bon, c'est du blanc me zo tramne de or gor vanten men eke de bet a gamma. E de oa bro e werzon. Met on tom ma meus mo d'un gant ma meus golo iskiz on tom oa bet. Dra zoe zi zoar on tom. Bon, eru e houls vraiment de zer hier maïs. Hag gwell ve la bourrer yon dou ar gant un tracteur yo hag hir yo o tramen a kalz l'arbre zo gant ur maïs benefin, l'arbre vras an de ze bla e ur maïs amman. Hag ous koude gwejel, gwejel, a pelar an gwejel pe oan mi o yo wang, vije ke maïs va vro, vije mag de londe gant betraves, gant vwen, gant yot, hag tro bla fine bla vez jou hanter kant oa deud de maïs oa vro pe so an dravar du certain tud hag an draval du tudel bon peut bremañ vez zo o bern maïs o ba, ba vro an men hag ba mam be skoul zo el ur maïs vez er d'ur gun iz du bremañ zo radlans d'ur gun iz du vro an men o ar dro pem kant labour douar zo hober gun iz du a kreskira bepla. Hag ze ve fe bit un dravat, ka diga se ve bleut kunis du un tamm de spebler, de sbro Chine, de sbro Canada, a mo vije be moyen de d'oberze am, a ze ve fe bit un dravat. Gwejel, gunis du, a lise vije var le badier, gant or, vil in dorn, a vije drema vije ez am de ze bleut vije malet, mi me jonj bati o, o breu de mezat koz oa o vil in dis, de val o, de mal o ar gunis du. Et qui a renquéré? Non, non, zéwa ba kerlé on mel pistin. Ok, au bruit de mes at cause, ya. Hag, vige mal, et jongemeuse de zeur vilins, hein. Bon, hendel, ba, koul zeur gis de ma meus mod, hein. Koul zeur histin hag gis, met, en me vek deb kalz de gistin, met, geb a voir djerien. Hag, ur gis, vegred, evel just, hein. Gant aval o treng, aval o douz, aval o c'hwer, a gant me vekret giz mat, a gwejel vijek deve me giz, vijek de gwin war an dol, gwa la liz, me bremañ, a bremañ ta giz oa giz, me mestra tam a tam. A pe on komz de ze giz, me zo jonj vid Gilles Barbé, Gilles Barbé zo n den an deus labour kalz vid de giz, hag zo et nan an un evesso, ne oa ke me tribla an terkant, a yen eus gred gis petit fossé, le petit fossé va merdrignac. Hag bon, eus eur an ar venant, bebe la bourre gant an pe oant va kernelien, war dro eur gis. Hag eed pel reabrit de nan an, j'y was. Bon, pe o komz deus la bour douar, aliz meus be komz betar deus Stéphane Lorfol, zo ben ministre pa pempla deus la bour douar, an deus krive do lever, la première graine war mi venozio ma peswan war l'arbre douar banam zor de zone hag c'harlev e skrivet o lever gant o iniskoz eus eul ar bourdoar gepiz anin eo a gred ivez. A hem eus menozioù de me jonj war un agro-ekologie, hag eus o bouez, taler a boan l'en leverz. Bon, an me vek eget kalz guin, bavro, me me straz o strolad tud o hober guin, hag blan me neus ke kalz rezin, pezur o in bez kornet, pa de neve amzer, hag me me me straz o guin mad, blan me ma neptor vo, me guin mad vo. Vegel moi comme de tard de scu de ne normand puis je veux que quand veut dans montine les ont drafé une tisoir un banovro leur maison laisse hardi fait jouer tisoir hein il y a besoin de bastali ou veut que quand veut tine en monde à le stali ou aura l'autre serre à traudi ses otapes fal grandi bonne besoin même sera vos derrière dans en monde braise en Mais guiré les autres au Brémont, on rentre que calze de Troyani, Banolès, Azizokos, Matrezen, n'est-ce que dans mon noir. Bon. Où est-ce que vous, puis ça m'aude vos cons. Videz et Vena dure, non noir politique, il reste la rien que monde, mais de Vigme. Gouscou des obés de calze de drogue, discours, il y a au grand Macron, mais non que de l'armand du voisé. En de gomme du stud, c'est Vena dure. Deuxième de l'assaut, wa bezin de carta zevenadur le braise grand giscard destin de si parce que jonche morgan dans il me change mal de si puis dur wa zewandra zuesus puis dur de hulse wa que rendro bedois wa que mel en département chou a wa bezin me mestra garta grand kaywar grand rendro de zone quoi besoin zuesus wa A Calzespi, ou à Bélac, Ganzé, mais vide en Vichyentan, ou à Bédanzave de Grande-Brovrance, ou à Zivena Durel, Bavro, ou à Bédcrou et Tambotrou, mais pas Pézoua Béjon, j'ai d'un. Hendel, on drané, Vézoroise, on agrégat dur, vide en Yézou Brovrance, ou Bécrou et, vide Yézou Brovrance, un Brézonnec, un Scar, un Okitanec, Ag blanc me veut au joie vos au poste bonnec de Brazon donc futur m'avait gré de Honcourt et vite au poste bonnec ag vos ba un Arnaud de Dreskrid vos ba mise Meurs ag un Arnaud de Dre Gomes vos ba mise Wen pémise Wen ag bon c'est tu vos un agrégat du Brazon donc mais Vimon Noir à Ring, Red Card, déjà à Rapes, pétant moins au master, quoi. Minon que j'onge dans Noir à Ring, hein, blanc me roisse. Bonne. Zuroir, même, ça fait que Bédigamer et de Régos, dans Zé. J'onge me, puis Wabé Tram de, puis Wabé Crou et d'une autre égue, soit représente. Ouais, l'un du d'autre, tu te causes, tu dis, on dra, fin tu soir, Wabé. Bla tient en ouen bid or tramen vel calz a riel, quoi. Ah ouais, l'un eus all gant tu de beup sur noat, mais vid n'agregat dur de gredant que je vous m'aime skon. Bon, bepla verreil de pris brogoz d'on den pe d'o strolat, a neus gred on dra benek et vi brogoz me zadou, hag blanc meu gant eus skipaï rugby gwen et ed ur pris, Enfin, vie de blad de zone, hein. On tombe rogue blad. Vie de blad de triver, vos routes, de skip à rugby, gwenet. Puis dur, Jules Gouèche, puis vers match, badière, avec cornes de brogos, quoi. Ah, c'est une brode. Hendel Bavro, en me, vais au, pas de, un disque à Ramser, zo, bah, rostrel à trop de rose, au, vekilig, trop d'un dune, hein. L'arvezé, Festival Bel Automne, hein, hag eus obet kinnig kalz draou, balea denou, konta denou gant Alice Dufo, gobern traou dis, a zez o mat, ka gret vet traou gant vilen douristen, me mat e ober traou, vid un dud evro, hein, a zez o a jonge un office un touriste, les blam, d'or traou vid tud evro. Hag o concours o gret vid naïkou, et, hag zo bet bet hag hanter mis du zo moyen de lak de gaz de nofis douristeles aïkou zezo barzoneg ou bastum bo Japon a zo moyen d'or in galak pe brezonek pe n'espérantek pe beb sor mod vidre endel evit e chui nahan o lever zo bed im bandet de bagwengam war hamelia o lever pen la ben in brezonek gant o ne batud un dro de Michel Corlet hag eus o skrive de hag franche moal hag eus o skrive tout d'une braison de a o lever ker a goul o abe gandin o raz skrit a meus kell un tamm raz skrit de braison de vi de lever ze bon, setu un tamm de spesonne ve bavro a l'ar an dar tien norvegen ken o eri ya, tien o rien tant